France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, passeport pour le rêve, la mission Apollo 8. En décembre 1968, les astronautes Frank Borman, James Lovell et Bill Anders s'envolent pour la toute première mission habitée autour de la Lune. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des hommes vont franchir une frontière qui rejoint le rêve de Jules Verne. Ils vont quitter l'attraction terrestre pour plonger dans l'attraction lunaire, une autre planète. Les astronautes d'Apollo 8 sont ainsi les premiers extraterrestres, connus du moins. Pour que le rêve soit complet, et comme quoi les gens de la NASA ont le sens du spectacle, Borman, Lovell et Anders vont faire découvrir la Lune aux humains de près, de tout près, comme s'ils pouvaient la toucher pendant la nuit de Noël, magique, absolument magique. Et puis c'est à ce moment-là qu'on sait que bientôt un homme va poser le pied sur la Lune. De ce point de vue, Apollo 8 est une promesse qui sera tenue 6 mois plus tard avec Apollo 11. C'est aussi, et c'est une aubaine en radio, une fabuleuse aventure du son. Les voix nasillardes, mystérieuses et oniriques des astronautes et des techniciens au sol à Houston sont toujours aussi saisissantes à entendre 55 ans après. Et enfin, parce qu'elle était également la plus dangereuse, la plus audacieuse de toutes les missions lunaires, Apollo 8 est peut-être la plus attachante de toutes, et même la plus émouvante. Notre invité aujourd'hui, Michel Tognini, ancien astronaute français, bien sûr, marqué lui aussi par l'exploit de ses pionniers d'Apollo 8. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Gaspard Vallu, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ok Houston, la Lune est essentiellement grise, aucune couleur, on dirait comme du sable gris, on peut voir beaucoup de détails. Je ne vois pas la mer de fertilité beaucoup mieux que depuis la Terre, il n'y a pas beaucoup de contraste entre elle et les grands cratères. Mardi 24 décembre 1968, à 370 000 km de la Terre. Les astronautes américains Frank Borman, James Lovell et Bill Anders flottent en apesanteur à bord de leur capsule spatiale Apollo. Partis 3 jours plus tôt de Cap Kennedy en Floride, les 3 membres d'équipage de la mission Apollo 8 flirtent avec la Lune et en font profiter la Terre entière. Ils observent avec attention la surface lunaire, ils photographient ses moindres recoins, identifient des zones d'intérêt, cartographient ses cratères. Tout ce qu'ils font est inédit et donc dangereux, incroyablement audacieux, et ils jouent leur partition à la perfection. À 15h40, première sensation, lors de leur 4e orbite autour de la Lune, Bill Anders interpelle ses coéquipiers, se saisit de son appareil photo et immortalise l'instant. Ce moment est raconté par Jim Lovell. C'est quand on a terminé l'orbite, à une centaine de kilomètres au-dessus des cratères. En regardant par le hublot, nous étions comme des gamins dans une confiserie. On a pris un maximum de photos. Bien sûr, on a pris des photos du fameux lever de terre au-dessus de la Lune. Il faut l'attribuer à Bill Anders. D'ailleurs, il s'en vante constamment. Oh mon Dieu, regarde ça là-bas. C'est la Terre qui se lève. Waouh, c'est magnifique. T'as une pellicule de couleur, Jim? Waouh, c'est absolument incroyable. Passe-moi une pellicule couleur, vite. Oui, oui, je l'ai. Je l'ai. Waouh, c'est une vue incroyable. Les 3 hommes viennent d'assister au tout premier lever de terre observé par un être humain. La planète bleue, si petite dans le noir de l'espace, qu'elle leur paraît fragile. C'est le premier sentiment qui leur vient. La photo, elle, est une merveille. Pour la première fois, nous découvrons ce globe sur lequel nous vivons, sa forme, ses couleurs. Alors qu'ils pensaient découvrir la Lune, Borman, Lovell et Anders viennent de découvrir la Terre. Ce cadeau offert à l'humanité, c'est le résultat d'une course engagée 7 ans plus tôt. le président prête serment. Je, John Fitzgerald Kennedy, jure solennellement que j'exercerai avec fidélité ma tâche de président des États-Unis et que je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis de mon Dieu. Ici Pierre Canet à Washington, à vous Paris. Lorsqu'il prend place dans le bureau ovale le 20 janvier 1961, John Kennedy fixe un objectif à sa nouvelle administration, redorer le blason des États-Unis. Car au début de la décennie 60, l'Amérique est en proie au doute. Les troupes américaines sont embourbées dans une guerre du Vietnam qui n'en finit pas. Le pays est en conflit latent avec le grand rival soviétique et la menace nucléaire se fait de plus en plus pressante. Pour réaffirmer sa position revendiquée de leader du monde libre, le président américain veut concentrer ses efforts sur la conquête spatiale, qui devient alors ouvertement un élément majeur de la guerre froide. Et à ce petit jeu, les Américains savent qu'ils sont en train de perdre. D'abord parce que les Soviétiques possèdent alors les fusées les plus puissantes du monde. Et puis, ce sont bien eux qui gagnent, pour l'instant, la course aux étoiles. Spoutnik, le premier satellite mis en orbite, le 4 octobre 57. Puis, le premier être vivant envoyé dans l'espace, une chienne, Laïka. Puis, le premier homme, Yuri Gagarin, le 12 avril 1961. Ce sont les Soviétiques, et pour Kennedy, c'est intolérable. Alors c'est clair, il faut décrocher la Lune avant la fin de la décennie. Aujourd'hui, il est temps de se lancer. Il est temps pour une nouvelle et grande entreprise américaine. Il est temps pour cette nation de se saisir de son vrai rôle de leader dans le domaine de l'exploration spatiale. C'est pourquoi je demande au Congrès, en plus des augmentations de budget déjà accordées pour nos activités spatiales, de délivrer les fonds nécessaires pour atteindre notre objectif. Je pense que notre nation doit s'engager pour réussir avant la fin de la décennie, à faire atterrir un homme sur la Lune et le faire revenir sain et sauf sur Terre. Aucun autre programme spatial ne sera plus impressionnant pour l'humanité ou plus important pour l'exploration de l'espace lointain. La Lune, il n'en faut pas moins pour faire oublier tous les succès soviétiques passés. Pour y parvenir, l'Amérique met la main à la poche et augmente considérablement le budget de son agence spatiale. De 400 millions de dollars en 1960, il passe à 800 millions en 1961 pour atteindre les 2,5 milliards de dollars en 1963. La machine américaine peut alors se mettre en route. En 1963, le programme Mercury qui envoyait des Américains dans l'espace pour un petit tour autour de la Terre et puis s'en va, laisse place aux missions Gemini, beaucoup plus sophistiquées, pilotées par les astronautes, qu'on retrouvera d'ailleurs et pour la plupart sur les voyages lunaires Apollo. Borman et Lovell y ont accompli de grands exploits. 3, 2, 1, ignition. Gemini 3 was the first manned Gemini to be launched. It had been preceded by two earlier unmanned test flights. Les fusées Titan remplacent les petits lanceurs Redstone. La minuscule cabine de Mercury aux allures de cercueil disparaît. Deux fois plus gros, les habitacles de Gemini peuvent accueillir deux astronautes pour des missions d'une dizaine de jours. On y intègre les dernières technologies, dont les tout premiers ordinateurs de bord. Mais le temps est compté. Les Américains ne disposent que de 3 ans et 12 vols pour remplir les objectifs fixés par ce programme spatial. Ils doivent apprendre à maîtriser les voyages de longue durée dans l'espace. Communication, gestion des stocks et des déchets, vérification de l'impact d'un vol prolongé sur la santé des astronautes. Rien, non, rien ne doit être laissé au hasard. Les vols Gemini 5 et Gemini 7, pilotés par Borman et Lovell pour ce dernier, permettent aux équipes de la NASA de se roder et de battre deux fois le record du plus long séjour dans l'espace, avec respectivement 7 et 13 jours en orbite, et d'effectuer des sorties extravéhiculaires piétons d'espace. Il s'agit également de tester le matériel et le pilotage des engins qui permettront d'aller jusqu'à la Lune, puis de s'y poser, ces fameux rendez-vous en orbite autour de la Terre. la capacité à faire naviguer deux vaisseaux côte à côte en vue d'un amarrage est un point crucial que devront maîtriser les astronautes qui se rendront sur la Lune. Le 16 décembre 1965, Gemini 6 rejoint ainsi la capsule Gemini 7 qui l'attend en orbite au-dessus de la Terre. Eh bien oui, vous êtes en ligne avec le Cap Kennedy. Je ne suis moi-même pas en ligne avec Walter Schirra, Thomas Stafford, Frank Borman et Jim Lowell, malheureusement, qui se voient, puisqu'ils ne sont plus, aux dernières nouvelles, qu'à 1000 mètres l'un de l'autre. Rendez-vous compte ce que cela représente de progrès. Il y a 10 ans encore, on aurait dit à quelqu'un que deux vaisseaux pourraient se rencontrer dans l'espace. Bon, eh bien, je crois que cette très grande première est une grande première mondiale. Elle ouvre par conséquent la seconde étape qui mènera les Américains au projet Apollo. Et vraisemblablement, ce sera une réussite puisqu'ils viennent de démontrer maintenant qu'ils étaient capables techniquement de réussir des performances de ce genre. De fait, la réussite de ce premier rendez-vous en orbite est totale. Avec ce dernier objectif rempli pour le programme Gemini, la promesse lunaire, formulée 5 ans plus tôt par le président Kennedy, semble se rapprocher. Le programme spatial Gemini prend fin en novembre 66 et laisse place à celui que tout le monde attend déjà, Apollo. Aujourd'hui, Apollo 8, décembre 68. France Inter, affaires sensibles. Lancé parallèlement à Gemini, le programme Apollo n'a pas encore embarqué un seul astronaute. Jusqu'ici, les ingénieurs de la NASA ont développé le nouveau modèle de fusée, baptisé Saturne, dont la dernière évolution, Saturne 5, devra être capable d'emmener les premiers hommes sur la Lune. Nous reparlerons de cet incroyable engin qui détient aujourd'hui encore le record de puissance et de gigantisme d'un lanceur. Comme pour Gemini, les responsables de la NASA ont établi un plan en plusieurs étapes très précises pour parvenir à respecter le délai imposé par John Kennedy, à savoir la fin de la décennie 60. En 65, Werner von Braun, le responsable des programmes de la NASA, chef d'orchestre de l'exploration spatiale américaine, développe ce fameux plan dans une interview donnée en français par ce génie qui, rappelons-le au passage, fut l'ingénieur en chef des missiles balistiques V2 qu'Hitler croyait capable de retourner la situation en sa faveur à la fin de la guerre. Mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, objectif Lune. Beaucoup de tests doivent être effectués avec succès avant que nous puissions commencer l'alunissage. Nous allons transporter des astronautes sur une orbite terrestre pour la longue période, pouvant aller jusqu'aux 2 semaines. Après cela, nous serons prêts à utiliser Saturn V pour envoyer une capsule Apollo vers une mission autour de la Lune avec retour sur la Terre sans alunissage. Avant la fin de cette décade, nous enverrons des hommes sur la Lune et les ramènerons sur la Terre sains et saufs. Mais nous le ferons qu'après avoir rigoureusement testé les fusées et la capsule et après avoir obtenu la certitude que les astronautes auraient le maximum de chances d'accomplir leur mission et de revenir sur la Terre. Comme lors du passage de Mercure à Gemini, l'arrivée d'Apollo change la donne. L'équipage passe de 2 à 3 astronautes. Le vaisseau, composé d'un module de commande et d'un module de service, est également relié au LEM, le module lunaire, ce drôle d'insecte capable de se poser sur la Lune et d'en repartir pour rejoindre le module de commande. Apollo 1, premier vol habité du programme, est prévu pour le mois de février 1967. Il doit mettre la campagne sur de bons rails. Le 27 janvier, quelques jours avant le décollage, les astronautes Virgil Grissom, Ed White et Roger Chaffee effectuent une simulation de lancement en conditions réelles dans la cabine perchée tout en haut d'une fusée Saturne. Solidement sanglés dans leur siège et enfermés derrière la trappe de sortie de la capsule Apollo, ils procèdent à une interminable série de tests. Mais cette répétition générale tourne au drame. Dès les premiers instants de la simulation, les 3 astronautes se plaignent d'une odeur âcre et de difficultés respiratoires. Dans le centre de contrôle, les opérateurs ont du mal à capter les échanges radio constamment brouillés par des interférences. 5 heures après le début de l'opération, un ingénieur relève une surtension dans un circuit électrique de la capsule. Et quelques instants plus tard, les opérateurs au sol perçoivent un cri épouvantable en provenance de la cabine Apollo. À Cap Kennedy, les derniers essais au sol de la cabine Apollo se sont terminés par une catastrophe. Les 3 meilleurs cosmonautes américains sont morts brûlés vifs cette nuit au sommet de la fusée Saturn 1. Je vous parle de la salle de presse de la NASA à Cocoa Beach. Je me trouvais donc sur place au moment même où se déroulait ce drame affreux qui a causé la mort des 3 astronautes. Que s'est-il passé exactement ? Ce n'est pas encore très clair. Je pense que nous, à la NASA, on ne s'était jamais demandé ce qui arriverait s'il y avait une étincelle dans une atmosphère d'oxygène pur à 1120 hectopascales. Les mots Eugene Cernan, qu'on vient d'entendre et qui sera le commandant d'Apollo 17, la dernière mission Apollo, sont cruels. Et la mort tragique de l'équipage d'Apollo 1 est une catastrophe pour l'agence spatiale américaine. Les opérations sont stoppées pendant plusieurs mois et le premier vol habité repoussé sine die. En septembre 67, 8 mois après l'accident, les responsables de la NASA élaborent un nouveau plan. Ils annoncent 4 vols préparatoires avant Apollo 11, la première mission durant laquelle un équipage ira se poser sur la Lune. Mais malgré toute la bonne volonté des équipes de la NASA et des milliers d'entreprises qui travaillent sur le programme, les retards sont importants. Si la plupart d'entre eux sont comblés, il en est un qui n'en finit pas de ralentir la cadence, la conception du LEM, le module lunaire, un véritable casse-tête. Résultat, les équipages s'entraînent sur des maquettes ou des prototypes encore peu aboutis et le calendrier risque une nouvelle fois d'être décalé. Au début de l'été 68, le LEM a signé au vol de la mission Apollo 7, le 2e vol préparatoire, connaît une série de pannes sérieuses et doit retourner en atelier. C'est la seule pièce manquante pour cette mission. Mais au lieu de se laisser abattre, les responsables de la NASA décident de jouer avec les cartes qu'ils ont en main. Le LEM n'est pas prêt ? D'accord. Mais dans le même temps, la fusée Saturn V, la plus puissante de la série, celle qui doit emmener Apollo vers la Lune, elle prête. Et ses promesses sont immenses, comme le raconte lui-même Werner von Braun lors d'un passage à Paris. Not sur la Lune, il nous faut des fusées porteuses beaucoup plus puissantes. Saturn V est la plus grande et la plus puissante des fusées américaines. Son hauteur, avec le vaisseau spatial Apollo en haut et 110 mètres, son poids au lancement, 2600 tonnes. En concertation avec les différents responsables et les astronautes eux-mêmes, un nouvel objectif est fixé pour la mission Apollo 8. Il n'est plus question cette fois de simulation en orbite terrestre, mais bien de tester enfin Saturne V en conditions réelles et de réaliser le premier voyage habité vers la Lune à 360 000 km de la Terre. Tous ont conscience qu'on brûle un peu les étapes, mais des informations arrivent à la Maison-Blanche selon lesquelles les Soviétiques, eux, sont déjà prêts. Voici ce que nous pensons être leur fusée. Les Russes n'avaient jamais construit un lanceur de cette taille. Il est sur quatre niveaux, avec une configuration de moteur en grappe. S'ils veulent véritablement tenter un vol vers la Lune, ils auront une fenêtre de lancement en octobre. Dans 8 ou à peine 9 semaines. C'est ça, oui. Alors il leur faut griller la politesse à ces Soviétiques. La dimension politique de toute cette aventure est très claire. Alors on prend le risque d'aller autour de la Lune. Pour cette mission périlleuse, l'équipage est évidemment choisi avec beaucoup de soin. Le commandant de bord, c'est donc Frank Borman, un astronaute expérimenté qui a déjà volé dans l'espace à bord de Gemini 7. Fait alors inédit, son second, James Lovell, ou Jim Lovell, est encore plus expérimenté que lui, deux missions Gemini à son actif. Le troisième membre d'équipage est William Anders, dit Bill. Lui est un novice. Particularité de la mission Apollo 8, on n'embarque pas de module lunaire. Pas prêt, on l'a dit. Anders a donc pour objectif principal de mitrailler le sol lunaire avec son appareil photo pour permettre un repérage précis des futurs sites d'alunissage. Cet équipage, le plus expérimenté jamais envoyé dans l'espace, s'apprête à relever un défi qui paraît presque insensé. Et il va s'embarquer pour une mission dont les chances de succès sont alors évaluées à 50%. C'est dire à quel point Apollo 8 concentre à elle toute seule toute la dimension Christophe Colomb de la conquête spatiale. Rien, absolument rien n'est du ressort de la routine, si je puis dire. Non, tout est aventure, audace, rêve éveillé. Et pour accentuer un peu plus la pression sur l'équipage, comme sur les équipes de la NASA, les Soviétiques viennent rappeler au monde que eux aussi se sont lancés dans la course à la Lune. La récupération de Zonde 5, tous les techniciens du monde saluent la grande réussite des ingénieurs soviétiques. De Washington, Jean-Claude Eberle. C'est incontestablement un magnifique exploit, disent la plupart des techniciens américains de l'espace. Le docteur James Webb, patron de la NASA, ajoute quant à lui, c'est un événement majeur et extraordinaire. Les Russes viennent d'administrer la preuve qu'ils disposent de toutes les capacités nécessaires pour n'importe quel but dans la conquête spatiale. Dans les bureaux de la NASA, la menace de se faire battre sur le fil par les Soviétiques est prise très au sérieux. Mais aussi près du but, il ne reste qu'une chose à faire, attendre et espérer qu'il s'agisse d'un bluff de Moscou. Le 11 octobre 1968, l'équipage d'Apollo 7 est le premier à décoller vers l'espace. Les trois astronautes passent 10 jours en orbite terrestre et valident la fiabilité de la nouvelle capsule, totalement revue après l'incendie d'Apollo 1. Ils testent toute une série de manœuvres et simulations de missions lunaires. Ce vol est un succès total. Notons que l'un des astronautes de cette mission, Walter Cunningham, a quitté la Terre pour la dernière fois. Il est décédé il y a 3 semaines. Samedi 21 décembre 1968, pas de tir numéro 39 à Cap Canaveral, Floride. Frank Borman, James Lovell et Bill Anders sont installés dans la capsule Apollo, perchée à plus de 110 mètres de haut de la gigantesque fusée Saturne V. En communication permanente avec la salle de contrôle, les trois astronautes passent en revue la longue checklist qui précède un décollage de fusée. Tous les voyants sont au vert. À 12h50, le compte à rebours final est lancé. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff. Liftoff at 7:51 a.m. Eastern Standard Time. Et le bruit assourdissant de la fusée qui s'arrache du sol résonne à des dizaines de kilomètres à la ronde. Tout autour du champ de tir, depuis différents sites d'observation, des dizaines de milliers de spectateurs assistent bouche bée à l'envol de ce monstre d'acier qui fait littéralement trembler la Terre sous leurs pieds. Saturne V crée comme un séisme artificiel. Quant au bruit, c'est comme si, témoigne le journaliste Jean-Pierre Chapelle, comme si un millier de motos démarraient en même temps. 2h27 plus tard, le responsable de vol prend la parole et annonce le début du long voyage. Tous les contrôleurs, je veux un go ou no go pour allumage injection translunaire. Rétro ? Je suis go. Contrôle ? Go. Guidage ? On est go. Enco ? Go. Capcom, on est go pour injection translunaire. Apollo 8, ici Houston. All right, Houston. Go ahead, Houston. All right, you are go for TLI, over. Roger, understand, we're go for TLI. You are go for TLI. Vous êtes prêt pour l'injection translunaire. En clair, Houston donne le feu vert aux astronautes pour mettre le coup de boost nécessaire pour quitter l'orbite terrestre et prendre la direction de la Lune. La capsule Apollo file maintenant à 38 000 km/h en direction de son objectif. Quelques minutes plus tard, Lowell, Borman et Anders sont les premiers humains à franchir la ceinture de radiation de Van Allen, une frontière symbolique située à 10 000 km de la Terre. Dans leur capsule Apollo, les astronautes ne disposent que de quelques instruments de navigation et d'un pilote automatique rudimentaire. James Lovell, le pilote du module de commande, navigue au sextant, guidé par les étoiles, comme les explorateurs partis à la découverte des océans de la planète quelques centaines d'années avant eux. Les trois pionniers sont les premiers humains à observer la planète Terre d'aussi loin. Ils la voient rétrécir peu à peu pour se perdre dans l'immensité noire de l'espace. Le voyage doit durer 3 jours. 31 heures après leur décollage, les trois astronautes d'Apollo 8 remplissent une autre partie essentielle de leur mission, la communication. Et ils entament leur premier direct à la télé. Sur Terre, ils sont des centaines de millions à suivre leur aventure devant leur écran de télé. Et James Lovell prend même le temps de souhaiter un joyeux anniversaire à sa mère. Kevin's got quite a beard going already. Happy birthday, mother. Goodbye from Apollo 8. 55 heures et 40 minutes après le décollage, Apollo 8 est à seulement 62 000 km de son objectif. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Alors qu'ils s'approchent de la Lune, Borman, Lovell et Anders savent qu'ils vont devoir effectuer la manœuvre la plus périlleuse de la mission, l'insertion en orbite lunaire. Pour ne pas simplement passer devant la Lune et continuer à s'enfoncer dans l'espace, ils doivent allumer leur moteur pendant 4 minutes, précisément. Le défi, c'est que cette manœuvre doit s'effectuer derrière la face cachée de la Lune, là où la communication avec la Terre est impossible. Ainsi, 69 heures, 8 minutes et 16 secondes après le décollage, Apollo 8 disparaît des écrans radars. Commence alors 10 minutes d'une interminable attente pour les responsables de vol basés à Houston, y compris pour les journalistes. Yves Morouzi, alors à France Inter, en témoigne. La victoire de ce matin a quelque chose de tellement extraordinaire qu'il est difficile de trouver l'adjectif le plus approprié pour définir l'exploit réalisé par les trois cosmonautes et par les techniciens de la NASA. Dans notre rédaction, je peux vous assurer que nous tous, journalistes de France Inter, nous avons vécu des minutes d'intense émotion avant que Jean-Claude Eberlé et Michel Forgit nous confirment la réussite de la mise sur orbite lunaire. Ce matin, il était 11h23. Nous arrivons maintenant à la limite du temps de blackout. Autant vous dire que la minute n'est pas très agréable à vivre pour tous ceux qui suivent ce vol et qui en connaissent un peu les détails. Et ça y est, ça a marché. Apollo 8 est sur l'orbite lunaire. La capsule Apollo est maintenant sur son orbite, à un peu plus de 100 km de la surface lunaire. Bill Anders se saisit de son appareil photo et commence à mitrailler le sol de la Lune. Il s'agit de prendre un maximum de clichés des points d'intérêt et des sites d'alunissage pour les missions à venir. Apollo 8, l'éclaireur. Anders repère aussi la mer de la tranquillité où viendront se poser Neil Armstrong et Buzz Aldrin en juillet 1969. Anders rapporte ainsi plus de 800 photos de la Terre. C'est lorsqu'ils émergent pour la quatrième fois de la face cachée de la Lune que les trois astronautes immortalisent le premier lever de Terre jamais observé par un être humain et prennent une photo qui entre dans l'histoire. Lors de leur 9e et avant-dernière orbite, ils reprennent un direct télévisé. En ce 24 décembre 1968, veille de Noël, Borman Lovelanders, submergé par l'émotion, adresse un message symbolique à tous les habitants de la Terre et récite les premiers versets de la Genèse, donnant à leur mission une dimension métaphysique. Apollo 8, c'est la beauté du geste, c'est la poésie de l'épopée. Nous approchons du lever de soleil lunaire. Et pour toutes les personnes sur Terre, l'équipage d'Apollo 8 a un message à vous transmettre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et pendant ce temps, sur Terre, fâcheux, complotistes et grincheux commencent à sévir. Il y a ceux qui trouvent tout cela terriblement coûteux et qui protestent. Et puis il y a les demi-cerveaux de la société de la Terre plate, par exemple, à qui l'on prouve par l'image la rotondité de notre planète et qui en sont pour leurs frais. Plus tard, d'autres illuminés affirmeront que tout cela était truqué, que tout était tourné sur Terre, dans un studio notamment pour Apollo 11. Mais revenons à la réalité, bien plus belle. Une fois les caméras éteintes, les trois astronautes doivent préparer le retour. Comme pour l'insertion en orbite lunaire, la manœuvre qui se profile est elle aussi extrêmement périlleuse. Ils vont devoir rallumer les moteurs pour s'extraire exactement au bon moment de l'attraction lunaire et retourner vers la Terre. Le moindre problème serait fatal aux astronautes, risquant de les envoyer dans la mauvaise direction ou encore de les laisser coincés ici, sans possibilité de rentrer face à une mort certaine et lente. Mais 89 heures et 28 minutes après le début de la mission, Jim Lovell donne le parfait coup de boost et renvoie Apollo 8 vers la Terre. Comme lors du voyage aller, le voyage retour se passe sans aucun incident. Le 27 décembre 1968, à 15h51, la capsule Apollo 8 amerre dans l'océan Pacifique au sud-ouest d'Hawaï. Les astronautes sont récupérés et transbordés sur le porte-avions USS Yorktown avant d'être rapatriés sur le continent américain. Voilà, on ne verra plus ni Borman ni Anders lors des prochaines expéditions lunaires. Jim Lovell, en revanche, fera reparler de lui, commandant de la mission Apollo 13. C'est lui qui prononce cette fameuse phrase. On a un problème, Houston. Ici Houston, vous pouvez répéter ? Houston, on a un problème. Apollo 13, les naufragés de l'espace. Lovell et ses deux coéquipiers frôlent la mort à cause d'un banal court-circuit dans le module de commande. Jim Lovell ne posera jamais le pied sur la Lune. Mais avec Borman et Anders sur Apollo 8, il a signé un succès total qui a ouvert la voie aux missions suivantes. Apollo 9 testera comme prévu le LEM en orbite terrestre. Apollo 10 et son équipage effectueront la grande répétition générale autour de la Lune sans autorisation de s'y poser. Et le 20 juillet 1969, 6 mois plus tard, c'est l'apothéose Apollo 11. Neil Armstrong, un petit pas pour l'homme, un pas géant pour l'humanité. Un triomphe qui occulte quelque peu l'exploit d'Apollo 8, qui fut pourtant une immense prouesse. Et si Apollo 11 fut mythique, Apollo 8 fut mystique. Giant steps are what you take walking on the moon. I hope my legs don't break walking on the moon. We could walk forever walking on the moon. We could live together walking on the moon. Walking back from your house walking on the moon. Walking back from your house, walking on the moon. Feet, they hardly touch the ground, walking on the moon. My feet don't hardly make no sound, walking on, walking on. I'm wishing my days away, no way. And if it's the price I pay, some say tomorrow's another day. You stay, I may as well play. Giant steps are what you take walking on the moon. I hope my legs don't break walking on the moon. We could walk forever walking on the moon. We could be together walking on the moon. Some may say I'm wishing my days away. No way, I may as well play. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Apollo 8, l'aventure, c'est l'aventure, dont on va parler avec notre invité Michel Tognini. Bonjour. Bonjour. Ancien astronaute français, bien sûr, donc spationaute. Vous avez volé avec les Russes pour Soyouz en 92 et avec les Américains sur la navette Columbia en 93. Comme ça, oui. pas de jaloux. Vous êtes d'ailleurs une synthèse, parmi d'autres, de l'évolution de la conquête spatiale. On l'a dit, du temps d'Apollo 8, c'était vraiment la guerre froide. Et puis après, il y a eu collaboration. Déjà, quel souvenir gardez-vous, personnellement, vous aviez 19 ans, je crois, de la mission Apollo 8? Alors, une mission grandiose par cette première et par cette première photo qu'on a de la Terre qui est sur un lever de Terre par rapport à un fond lunaire. Et on s'aperçoit à ce moment-là que tout ce qui nous environne dans l'espace est de couleur grisâtre ou pas très jolie, et on voit ce joyau bleu qui sort sur la Lune, sur un fond de Lune, et c'est là qu'il y a cette expression la Terre est bleue comme une orange, donc la forme d'une orange, elle est bleue, elle a des couleurs extrêmement riches, et il y a un petit moment de folie. Et ce qui est intéressant de voir dans l'interview qui est faite juste avant, c'est que les astronautes eux-mêmes n'étaient pas préparés à voir ce lever de Terre sur la Lune, parce que ils cherchent leur appareil photo au dernier moment, ils n'ont pas vraiment anticipé ce qu'ils feraient. Et donc pour nous, c'est une première, et ça aussi, ça permet d'avoir un calcul des trajectographies extrêmement précis, une première mise en accélération pour avoir la vitesse de libération, pour sortir de l'atmosphère terrestre, pour aller vers l'orbite lunaire, c'est le fameux TLI, et ensuite le freinage pour encercler la Lune et y rester, et ensuite une autre accélération pour arriver sur la Terre, et surtout un bouclier thermique consistant pour accepter une vitesse de rentrée plus forte que celle que nous faisons dans les missions classiques en orbite terrestre. Et ça, c'est important, là, c'est ce moment de descendre dans l'atmosphère. Je crois qu'on est terriblement secoué. Enfin, c'est un moment du voyage qui est éprouvant. Sur une mission de navette, le retour dans l'atmosphère est assez facile. On a 1,5G, donc c'est assez facile à supporter. Sur une mission Soyouz, c'est environ 5G avec une vitesse de rentrée normale, mais lorsqu'on rentre dans la Lune, c'est une accélération encore plus forte, puisque nous arrivons avec une vitesse plus forte et qu'il faut décélérer sur un temps qui est un petit peu le même. Donc l'accélération va monter à 7G ou 8G. Donc 7 fois le poids de votre corps. 7 fois. Alors on est allongé bien sûr sur des G qui arrivent dans le sens perpendiculaire à l'axe du ventre, donc on risque pas d'avoir une syncope ou le voile noir. C'est juste une compression du ventre, une compression de la poitrine, et donc on risque légèrement un écrasement du cœur. Donc on apprend bien sûr en centrifugeuse à respirer de manière à garder suffisamment d'air dans sa poitrine pour ne jamais écraser le cœur. Et quand on parle de bouclier thermique, c'est parce qu'au retour, il y a combien de degrés autour de la capsule? Alors, quand on rentre sur une mission classique, il y a 2000 degrés. Ouais. 2000 degrés de température, donc il faut un bouclier thermique. Mais lorsqu'on rentre d'une mission plus rapide, eh bien, la température va bien sûr augmenter. Donc il faut un bouclier plus consistant. Et c'était une difficulté d'ailleurs de la mission Orion qui a décollé il y a quelques mois. Et dont on va parler. Alors, c'est la dimension humaine qui est impressionnante dans cette histoire d'Apollo 8. Et ce sera la même chose pour 9, 10, 11 jusqu'à 17, notamment 13. Donc ce sont des hommes, ce sont des humains. Ils ont autour de 40 ans. Ils sont psychologiquement, intellectuellement et physiquement au top. Absolument au top. J'ai un petit potin de la comère puisqu'on parle d'humains. Aldrin, Buzz Aldrin, le deuxième homme qui a posé posé le pied sur la Lune, mais vous le savez, hein, s'est marié il y a quelques jours, oui, à 93 ans. Pour son anniversaire, à 93 ans, il s'est marié. Est-ce que... Je l'ai félicité d'ailleurs. Est-ce que vous avez connu Jim Lovell? Je parle de lui parce que on l'a vu sur Gemini, on le retrouvera sur Apollo 13, l'un des plus capés avec John Young aussi, qui a fait énormément de missions. John Young, je l'ai beaucoup connu parce que j'étais à la NASA avec John Young et on volait souvent ensemble sur les avions T-38 entre Houston et Cap Canaveral pour aller visiter les navettes, pour aller préparer les navettes avant leur décollage. Et il était très curieux parce qu'il voulait savoir comment ça se passait avec les Russes. Il était très curieux de savoir comment était l'atmosphère en Russie. Il n'était pas rassuré tellement sur le problème russe. Et il avait un accent texan énorme. Et donc, dans l'avion, imaginez-vous, dans la radio de ce T-38 qui était difficile à comprendre, plus l'accent texan qui est très très fort, des fois j'avais du mal à comprendre, je devais deviner. Alors, je lui disais, mais vous avez bien posé ça comme question. Mais vous me parlez de John Young ou de Jim Lovell? John Young. D'accord. John maintenant, très bien, maintenant Jim Lovell. Non, j'ai pas rencontré. Vous l'avez pas rencontré? J'ai rencontré une fois, mais j'ai pas travaillé avec lui aussi prochement que John Young, qui était un garçon très sympathique, très chaleureux, et qui avait plein de projets. Chaque mois, il faisait une description de ce qu'on devrait faire pour aller mieux et plus efficacement dans l'espace. Alors, concernant Frank Borman, le commandant de bord d'Apollo 8, là encore, une anecdote que nous avait confiée Jean-Pierre Chapelle il y a 20 ans, lors d'une mission spéciale de France Inter sur Apollo. Donc, il est reçu, Frank Borman, il fait des conférences après la mission, un peu partout dans le monde. Il est reçu dans les locaux de la télévision française et quelqu'un s'amuse à perforer un ballon. Vous savez, les ballons gosses là, qu'on gonfle, quand vous mettez une aiguille dedans, ça fait un bruit énorme. Juste derrière l'oreille de Borman, qui a attendu une demi-seconde, qui se retournait très calme et qui a dit « What happened ?» Voilà le genre de personne qu'on envoie gestion du stress dans l'espace, bien sûr. On va parler, je pense qu'on a été assez complet sur le récit d'Apollo 8, donc on va écouter Bertrand Belin pour la nouvelle, et ensuite on parlera ensemble des prochaines missions lunaires, bien sûr. À tout de suite. Michel Tognini, ancien spationaute français. Donc on a parlé d'Apollo 8. Une dernière question concernant les soviétiques à l'époque et leur mission Zonde 5, déjà un exploit. Ils affichent leurs missions lunaires, les soviétiques, à ce moment-là. Mais avaient-ils vraiment prévu de se rendre sur la Lune? S'agissait-il d'un coup de bluff? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les Russes veulent aller sur la Lune. C'est certain, ils se préparent à aller sur la Lune. Ils ont déjà gagné le premier Spoutnik, la première humain Laïka, le premier homme, la première femme, Leonov. Valentina Tereshkova, c'est ça? Tereshkova, et ensuite Leonov, le premier sorti extraterrestre. Oui. Donc ils ont 5 victoires de première par rapport aux Américains. Ils savent que les Américains vont faire la mission lunaire, et donc ils se préparent à faire la mission lunaire. Mais On arrive dans les années 65. Rappelez, 65, c'est le moment où Leonov fait sa sortie extravéhiculaire. Et 66, c'est l'année où Karaliov décède. Karaliov, c'est le pendant de Von Braun. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique, un excellent ingénieur, vraiment humain, proche des astronautes. C'est un homme assez rarissime. Et quand il décède, eh bien, la succession se passe très très mal parce qu'il y a trois autres ingénieurs russes qui veulent prendre sa place et ils se disputent entre eux et ils n'y arrivent pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mission avec une fusée N1. Cette fusée N1, c'est un assemblage en grappe de fusées Soyouz. Donc d'accord. Cette fusée, elle vibrait tellement au décollage que à la scission entre le premier étage et le deuxième étage, les vibrations cassaient les canalisations du deuxième étage, la fusée a explosé. Elle a explosé au moins 5 fois, et donc cette mission lunaire était impossible. Et dans cette mission, aurait dû voler Alexei Leonov, et c'était une mission pour un seul astronaute, un seul cosmonaute. Mmh. À la différence de la mission américaine, où il y avait 3, 2 qui se posent et 1 qui reste en orbite lunaire, là la mission c'était pour une personne. Et donc ils ont loupé et ils ont envoyé à la place cette mission Zonde 5 qui a fait un tour de la Lune, qui a été une mission assez intéressante, avec des animaux à l'intérieur bien sûr, donc il y avait un côté humain, mais ils n'ont pas fait la première de l'atterrissage sur la Lune. Et à partir de ce moment-là, donc on est à l'époque d'Apollo 8, les Soviétiques baissent les bras, ils disent bon, oui, c'est perdu, quoi. Ils baissent les bras et ils font ça de façon assez astucieuse. Ils comprennent qu'ils ont perdu la mission lunaire, donc ils vont plus y aller, ça sert plus d'y aller. Et ce qu'ils vont faire à la place, ils vont dire bon, on va développer quelque chose que les Américains ne veulent pas développer, c'est être longtemps en orbite basse, c'est-à-dire faire les stations spatiales, et ils vont faire cette série de stations Salyut, la Salyut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 7, puis après la station Mir, la station ISS, parce qu'ils vont dire, comme ça, on va avoir la connaissance du travail de longue durée dans les vols en orbite basse, chose que les Américains ne veulent pas faire, ne feront pas, et ils ne s'y intéressent pas. Ce qui fait qu'ils vont se démarquer des Américains, et pour cela, ils auront quelque chose à apporter après au système global, qui permettra après d'envisager le calcul vers les fonctions plus lointaines, qui sont les missions lunaires, mais surtout les missions martiennes, sont des missions de longue durée. Donc, les Russes, c'est pertinent quand même comme choix. Oui, c'est une bonne réaction. C'est une vision. Ils ont une vision. C'est plus visionnaire que les Américains qui voulaient juste battre les Russes. Il n'y avait pas vraiment de réel contenu scientifique, alors que les Russes, ils veulent voyager longtemps pour préparer le voyage sur Mars. Donc vous confirmez que Apollo était un élément de la guerre froide? C'était un élément de réponse à la guerre froide pour démontrer qu'eux aussi, ils avaient une victoire, et c'était normal. Et ça permet de faire beaucoup avancer le système, bien sûr. Alors c'est bien de penser à l'avenir pendant Apollo 8. Et ben l'avenir, c'est aujourd'hui. C'est maintenant, aujourd'hui. Enfin c'est demain, on est à la veille, quoi. Donc rappelons quelles sont en ce moment, faire un état des lieux, les missions prévues pour retourner sur la Lune. Alors les missions aujourd'hui sont les missions Artemis. La première mission a eu lieu avec succès il y a l'année dernière. Et cette mission Artemis a fait une orbite autour de la Lune, mais différente. Elle est restée beaucoup plus haute, dans une orbite beaucoup plus haute par rapport à la Lune. La mission Artemis 2 devrait décoller fin de cette année ou bien l'année prochaine, qui serait habitée sans alunissage. Et alors après, ça serait une sorte d'Apollo 8 en fait. Apollo 8. On va autour de la Lune avec des hommes, combien? 3? Alors ce serait 4 cette fois-ci. Le vaisseau Orion, d'accord, contient 4 personnes. Mais dans ce cas de figure, rappelez-vous que sur la mission Apollo, il y avait ensemble le LEM, Apollo, le module de service. Mm-hmm. Là, on est vraiment avec juste le vaisseau Orion et des modules de service, au passage, qui est fait par les Européens. C'est un dérivé de l'ATV que les Européens font. Donc, nos ingénieurs européens travaillent à la NASA sur ce module en ce moment. Et on découple la fonction alunissage avec un vaisseau Starship qui est fait par Elon Musk, par SpaceX. Donc, c'est deux fonctions différentes. Donc, j'ai bien entendu, à la fin de l'année 2023, oui, on lance une fusée avec 4 personnes dedans, oui, qui vont tourner autour de la Lune. Oui. Bon, ben ce jour-là, on fera une rediffusion d'Apollo 8 pour les résonances, et vous reviendrez pour nous en parler. Si vous m'invitez, je reviendrai. Bon, ça c'est la première étape, d'accord. Et après, en parallèle avec cette mission Artemis, il y a la mission Getaway, qui est une station spatiale autour de la Lune. Donc, le but, c'est de rester autour de la Lune pour faire des études principalement sur les radiations, comment se protéger des radiations, préparer le voyage sur Mars, et lorsqu'on a besoin, vu que cette station va tourner autour de la Lune, on va se poser à l'endroit choisi, quand on en aura besoin, pour des temps limités à une semaine ou 15 jours. On ne reste pas constamment sur la Lune, on reste autour de la Lune et on se pose quand c'est nécessaire pour faire des études particulières sur le pôle sud, sur le pôle nord, sur l'équateur, à des endroits vraiment bien choisis au niveau scientifique. Donc c'est un concept de différence, c'est une station spatiale autour de la Lune et un vaisseau qui va se poser sur la Lune. Et là, il se poserait sur la Lune quand qu'on revive Apollo 11. Alors ça sera différent. Artemis 4, c'est donc 2024-2025. Et dans ces missions, il y a une coopération qui est faite avec le Canada et l'Europe. On aura donc un Européen ou plusieurs qui iront sur la Lune. Je crois qu'il y a prévu 6 astronautes européens qui iront se poser sur la Lune. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de retard. On peut rêver. Alors, il y a un peu de retard qui vient du fait que la mission elle est lancée par le lanceur SLS, qui est un dérivé des lanceurs qui ont été faits pour la navette spatiale. Donc, les boosters, les moteurs cryogéniques sont des moteurs de la navette. Il y en a 4 au lieu de 3. Les boosters sont des boosters de la navette avec 5 segments au lieu de 4 segments. Elle est un peu plus complexe à mettre en œuvre. Donc, il y a quand même pas mal de pannes et de fuites avant le décollage, comme on l'a vu pour le décollage dernier. Donc, et c'est un lanceur lourd, et on voit bien qu'on arrive un peu aux limites. Et en parallèle, Starship est également difficile, parce que Starship est une fusée qui doit décoller et revenir sur son point d'atterrissage. Comme une navette ? Comme une navette, mais de façon verticale, comme le font les boosters de la Falcon 9. Le problème, c'est que sur un lanceur très très lourd, c'est extrêmement compliqué à vraiment atterrir de façon correcte. Donc aujourd'hui, on a des espèces de pinces pour récupérer le booster à l'avant l'atterrissage. Enfin, c'est pas encore vraiment au point. Donc ça, c'est complexe. Et c'est là qui m'amène à vous dire que on pourrait faire un scénario différent pour aller sur la Lune, c'est-à-dire faire un scénario de décollage avec un lanceur beaucoup plus léger, arriver en orbite terrestre, chose qu'on sait faire, monter un train spatial en orbite terrestre, et après ça, on fait un remorqueur spatial qu'on appelle un TUG, pour aller de l'orbite terrestre vers la Lune. L'orbite lunaire. Chose qu'on aura déjà, parce qu'on aura l'orbite lunaire avec le Gateway, et de là on se pose. Mais ce scénario, il est bien parce qu'il prépare exactement le scénario de l'arrivée sur Mars. Parce qu'aujourd'hui, si on voit qu'on est aux limites de nos capacités pour les lanceurs pour aller sur la Lune, il est bien certain que pour aller sur Mars, on n'aura pas le poids nécessaire. Alors est-ce que la Lune sera alors c'est pas une fin en soi, mais est-ce qu'on va y faire des choses intéressantes ou c'est vraiment juste une étape pour Mars? Comment il faut aborder ça? C'est les deux, c'est que c'est la première fois qu'on va aller sur la Lune pour vraiment faire de la recherche scientifique intéressante, voir par exemple s'il y a l'hélium 3 et en quelle quantité, voir s'il y a de la glace sur les pôle sud, et si on peut l'exploiter pour en faire de l'énergie ou de l'eau ou de l'hydrogène et de l'oxygène, et ensuite se protéger des radiations, calculer les radiations au-dessus des ceintures de Van Allen pour savoir comment mieux se protéger pour des périodes beaucoup plus longues. Un vol aujourd'hui sur Artemis est calculé environ 45 jours parce qu'on sait que le corps humain ne résiste pas assez bien aux radiations du système solaire et du système solaire lorsqu'on est au-dessus des ceintures de Van Allen. Donc il faut vraiment bien calculer ça pour faire des voyages plus longs, parce qu'un voyage sur la Lune, vers Mars, c'est 6 mois minimum, plus après le retour, donc ça fait des périodes de durée qui sont très très longues. Ouais, 45 jours, sachant que l'émission lunaire Apollo, elle durerait entre 6 et 8 jours, pas plus. Hein. Sur la Lune. Ah, mais sur la Lune, c'était 3 jours. Enfin, plus on y est allé, plus on est resté longtemps. Oui. Bah écoutez, c'est la fin de notre voyage spatial entre 15h et 16h. Merci infiniment Michel Tony. On se donne rendez-vous dans un an, quand on repart sur la Lune. On ira ensemble. Cette année. À très bientôt. Au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Apollo 8, une émission que vous pouvez... J'allais dire une mission. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.